Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Hakim. Je te dérange pas, cousin? Non. Là, je viens de serrer un putain de DVD, un film de psychopathe comme tu kiffes. Donc, s'il y a moyen que je monte tout de suite, là, pour qu'on se mate ça, ça serait chambé. Vas-y, mon. Ouais, c'est mieux. Oh non, non! J'ai rien demandé à personne. J'ai eu un père macro pour une craque et faire de gun. Attaque contrat sur sa tête, marre de courir suivi par les machettes. Il doit trop tuer nos gangsters et les gueules veulent faire sa fête. On a tellement déménagé que je sais même plus où j'habite. Jusqu'à ce cas des judiciaires vierges toujours en fuite. Ébloui par les lunettes d'un tireur de lit, je me cache. Entends les coups de feu et mon père me guide. Pourquoi je le regarde fini dans son sang. Je laisse la tétaniser, me rappelle que je suis qu'un enfant. Non, j'ai les yeux abîmés par le temps. La vie avec moi n'a jamais pris de gants. Qui veut m'analyser? Qui veut savoir pourquoi pour moi le mot tu es un mot banalisé? Tu veux savoir l'histoire d'un tueur en série? Tu te demandes si c'est vrai ou si c'est des conneries. Qui veut m'analyser? Qui veut savoir pourquoi pour moi le mot tu es un mot banalisé? Tu veux savoir l'histoire d'un tueur en série? Tu te demandes si c'est vrai ou si c'est des conneries. Ma mère, elle, c'était une pute formée par mon daron. Fonce DH24, elle se rappelait même plus de mon prénom. J'ai les images où elle m'emmenait avec elle. Walkman à fond sur mes oreilles dans une chambre d'hôtel. Installé sur une chaise en face du lit, fallait que je reste sage. Je l'ai vu se faire attraper comme une sauvage. C'est des images qui marquent un gosse, ça, hein. Comment je peux enlever toutes ces choses atroces de moi? Comment? J'ai tout ça gravé dans mon crâne. Je sens partir en fumée toutes mes émotions crament. Je dissocie plus la haine et l'amour, le sexe ou le viol. Un ami ou un ennemi, je vais les faire manger le sol. On dit que je pète un câble, parce que je dis que tout le monde est coupable. Je passe à table et mes victimes me classent instable. Moi, ça fait des années que tout en moi est mort. Et je veux emmener tout le monde au même sort. Qui veut m'analyser? Qui veut savoir pourquoi pour moi le mot tu es un mot banalisé? Tu veux savoir l'histoire d'un tueur en série? Tu te demandes si c'est vrai ou si c'est des conneries. Qui veut m'analyser? Qui veut savoir pourquoi pour moi le mot tu es un mot banalisé? Tu veux savoir l'histoire d'un tueur en série? Tu te demandes si c'est vrai ou si c'est des conneries. Tu vois où je veux en venir? Non, après toi mourir. Je t'ai raconté ta force, maintenant prête-toi à la subir. C'est moi qui pose des questions. Ferme-la, à moins que tu veuilles monter la tension. J'ai envie de te faire tutoyer l'enfer à ma manière. Des tortures qui font mordre la poussière. Tiens, alors maintenant toi t'as l'air hein. Vas-y dis-moi, devant cette arme tu fais plus la fière. Ça fait toute la soirée que je t'observe, on est sur le même trottoir. Aujourd'hui tu peux lui dire au revoir. En plus t'es un gosse, chouette, t'es la victime idéale. Je pouvais pas mieux tomber, ce soir c'est festival. Je vais sauver un môme d'une femme comme la mienne. Je peux nettoyer ce monde parce qu'aujourd'hui plus rien me prenne. Je suppose que t'es un dernier mot, mais j'en ai rien à foutre. Il est temps de te dire ciao. On l'a eu, putain, il est mort. Vérifie qu'il soit bien mort. Détachez-la. Ne vous inquiétez pas madame, tout ira bien maintenant. Qui veut m'analyser? Qui veut savoir pourquoi pour moi le mot tu es un mot banalisé? Qui veut savoir l'histoire d'un tueur en série? Tu te demandes si c'est vrai ou si c'est des conneries. Qui veut m'analyser? Qui veut savoir pourquoi pour moi le mot tu es un mot banalisé? Tu veux savoir l'histoire d'un tueur en série? Tu te demandes si c'est vrai ou si c'est des conneries. Qui veut m'analyser? Alors, t'as vu, c'est pas un film de psychopathe. Ah, franchement, il est puissant le film. Hein. Ça calme quand même. T'as trouvé un bon film là, franchement. Un petit film à la Seven, là, comme j'aime t'allais, bien. Je savais que t'allais kiffer. De toute façon, tu sais, les polar thrillers là, c'est trop mes films ça. Ouais. Mais je m'attendais pas à la fin là. Franchement, je croyais qu'elle allait mourir la fille. Hein. Ouais. Au dernier moment comme ça, non, puissant, franchement.